Sur Dante, le Wake, vendredi 5 octobre 2012, l'honoré, on part d'un nuit à remettre la qualité italienne pure, simple et expéditivement aux trois monuments qui sont la Divine Comédie, l'Orlando Furioso et la Gerusalemme Liberata. On en a déjà un écho dans la Fairy Queen d'Edmund Spenser. Il s'agit de cerner un peu plus fin l'or italien. D'abord, par la présence significative en Italie d'un grand poète anglophone comme Rapin, ami de Joyce, qui, semble-t-il, aurait mal reçu le Wake, puis par d'autres ressorts moins académiques que l'automatisme de se remettre à une œuvre d'avant-garde comme L'Hebdomeros de Giorgio de Chirico. Il arrive que je savoure Il piacere de Gabriele D'Annunzio en même temps que la lecture au hasard du Wake. S'il m'arrive de ne pas avoir de mal à faire le raccord entre D'Annunzio et Joyce, cela vient donné par une certaine qualité érotique des deux. Il en est de la minutie et de la bonne mémoire dans leur exhibitionnisme sentimental. Il y a chez l'un comme chez l'autre des stratagèmes recherchés pour lever l'autocensure, protocensure de ton qui sait aussi éviter. Encore plus que l'ennuyeux Céline, le sensuel Drieu de La Rochelle. Mais la difficulté de la logorée illisible de Joyce par rapport au classicisme des autres, pas compris, vient de ce que s'il est facile pour ce qui est d'un répertoire imaginaire clos de feuilleter la Roma Barocca de Paolo Portoghesi en pensant à D'Annunzio, ou encore de voir les femmes mondaines de Van Dongen chez ces derniers et chez Dieu surtout. Il est difficile pour moi de me remettre à un quelconque répertoire visuel pour résoudre le Wake. Le Wake, tout comme l'indique son nom de réveil, est un tourbillon d'images qui disparaissent et qui apporte le plus haussé de synesthésie. Nuit de dimanche 7 octobre 2012. Lire des expressions comme les 400 coups dans la traduction française du Wake fait mal aux yeux si on a un minimum de respect pour la création originelle. Encore. Si ça aurait été sur l'Ulysse, on comprendrait vaguement qu'il s'agirait d'une des confidences de la femme de Joyce en cours d'écriture sur les débilités des collègues de l'écrivain. Mais dans Le Wake, qui est une œuvre italienne, c'est une confidence du traducteur sur son imbécilité à lui. James S. Atherton, dans son livre The Books at the Wake, A Study of Literary Allusions in James Joyce Finnegan's Wake, dédie des longs chapitres à la présence structurante de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les Wake. Dans ce sens, les remarques de D.H. Lawrence dans Apocalypse sur l'usage à l'anglaise de la Bible par les prédicateurs et par toute une société tarée depuis la métamorphose industrielle viendraient brouiller la perception en tant que création à l'italienne d'une œuvre, quoique catholique par son auteur, très proche de la sensibilité protestante. Ce serait le dispositif de l'œuvre initiale de l'étape de liberté créatrice de Joyce, son Ulysse, qui viendrait nous mettre sur la piste de son virage vers l'italianisme, de par les soins et les précautions tenues et charnelles de la courtoisie, et de par l'émulation des modèles monumentaux, y compris la caricature bien documentée de son entourage littéraire et politique. Mais il n'est pas sans intérêt de vous faire part d'une observation empirique récente à propos de la lecture à l'anglaise faite hier soir dans le métro de Paris. Une femme, sur une rame qui conduit vers la banlieue nord, à une heure tardive, s'assoit en face de moi et échange quelques regards maternels mais fondamentalement courtois et d'un flir ébauché avec moi. Elle venait visiblement de l'Afrique noire, bien élégante dans sa tenue comme il est fréquent étonnante et attirante, un peu plus âgée que moi. À mon geste de me mettre à l'aise pour la regarder, elle esquisse un sourire à peine haletant et balance sa main tapotant des doigts sur un strapontin vide. Je devine qu'elle me réserve une surprise, un dévoilement. Peut-être sortira-t-elle un livre de son sac? Elle extrait enfin son livre, une Bible plastifiée, flexible et un peu usée. Elle inspecte l'index des matières. Ostensiblement, elle cherche une réponse à une question, faisant un usage oraculaire vaguement africain du livre sacré. Elle fronce les sourcils, l'index ne semble pas satisfaire son type de question, et elle passe un bon moment perplexe, feuilletant ces quelques pages, impatiente et méthodique, sans me perdre de vue. Finalement, elle semble se satisfaire de quelque chose, et elle cherche un passage dans sa Bible. Les niches marquent un fluorescent, et au lieu de marquer à mesure qu'elle lit, elle marque un jaune citron éclatant toute une demi-page avant même de la lire. Cela est un mécanisme intéressant, non? Il en arrive, mardi 9 octobre 2012, il en arrive, tout comme pour l'Apocalypse, emblème de la Bible chrétienne, qui n'admet pas vraiment, malgré la patristique en commentaire, une tradition talmudique, par exemple, que les littérateurs du XXe siècle nous sont fréquemment présentés. Comme des points de non-retour, tandis que depuis on fait d'elle, que ce soit les déroutants Artaud, les déroutants Joyce, ou ceux qui viendront, des valeurs sûres et des lectures rassurantes et accueillantes, tout comme le serait une école italienne ou l'église. Pour vous, que l'on ne s'attarde à les ressortir à contresens ou se les approprier dans la salle à cérémonie requise, elles n'ont presque pas de sens. Elles ramènent un noyau sauvage et obscène et toxique ou dissocié du langage. Et en conséquence, elles doivent être citées comme des marques, comme des stigmates qui, portés sur soi, doivent être remis à une transmission miraculeuse comme ceux de Saint François. Ceci serait de la banalité philosophique ou pire, une sociologie de la méfiance, de la délation des élites typique du fascisme. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de dévaloriser les wake, mais de embourber bien dans un rapport de lecture le moins aseptique possible, le plus proche possible de sa propre obscénité. Depuis la tragédie, le romantisme noir, si bien épinglé par Mario Praz, l'évocation littéraire de la méchanceté maintient sa vigueur. Mais qu'en arrive-t-il dans l'innocence d'une écriture qui est victime d'elle-même de sa rupture avec la forme? La méchanceté doit se faire cerner en creux, ailleurs que dans les livres redevenus sacrés, non artistiques, du fait que toute forme disruptive est la forme même de l'innocence, le creux à son tour de la méchanceté dont l'homme ne peut que toujours occuper sa tête. Par les mêmes réflexes qu'une chrétienne noire africaine peut souligner des passages de la Bible avant de les lire, même pour les abandonner entre les pages, l'on fait cet usage de la littérature d'avant-garde, un usage magique qui suggère qu'elle a un sens. Un sens si puissant que l'on flirte avec, comme avec les risques d'une maladie vénérienne.